Toi, si t'es capable de construire un monde meilleur, qu'est-ce que tu fais? Moi, je proposerais de changer en fait l'économie, le commerce, pour qu'il y ait un plus grand respect des producteurs, de l'environnement et aussi des consommateurs. Et si t'es capable de changer le monde, tu fais quoi? Une action beaucoup pour mobiliser les gens. En deux mots, si t'es capable de changer le monde, tu fais quoi? La fête. La fête? Oui. Avec qui? Tous les gens de mon entourage. Et la fête, ça va faire changer le monde? En tout cas, ça va motiver les gens. Je vous l'ai déjà tant demandé, par parole et par écrit, et en acte. Vous, tous les citoyens, écrivez à votre maire. Lancez des pétitions. Ça veut dire quoi changer le monde? Révolutionner comment les gens y pensent. Agir pour le bien de tous à une plus grande échelle que son petit chez soi. Je ferais en sorte que les frontières soient beaucoup plus libres. C'est-à-dire que je ferais en sorte que on puisse se déplacer plus facilement entre pays, entre continents, etc. Et une deuxième chose, ce serait lutter contre le réchauffement climatique. Parce qu'en fait, c'est nul que je trouve que par exemple, le niveau des eaux monte, que les glaces disparaissent, ça va vachement modifier la Terre et je trouve c'est nul. Quand on parle du fait qu'il reste que 20 ou 25 000 individus d'ours polaires, on se dit mais c'est super loin, pourquoi ça me concerne? Alors moi je ramène toujours ça à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie encore de pouvoir trouver du poisson qui ne soit pas gavé de mercure ou de métaux lourds? Et aujourd'hui, est-ce que j'ai encore envie d'avoir un air sain et des sols sains à léguer à mes enfants? Comment moi, je peux faire évoluer ma consommation? Ici, chacun pourrait faire un petit geste. Par exemple, au lieu de prendre tous les jours des bains, se mettre à prendre des douches ou... au lieu de manger tout le temps de la viande, essayer d'en manger un peu moins, ou s'il y a possibilité, faire un potager. Si tu es capable de changer le monde, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait d'abord commencer dans nos pays les plus proches, parce qu'en Occident, c'est déjà pas rose. Il faudrait premièrement améliorer ça, puis peut-être exporter sur les autres continents. Et toi, tu es capable de changer le monde? Ouais. Et tu es capable tout de suite? Bah oui, mais pas toute seule.